Oui, oui, si, si. C'est un message, un hommage pour les gens que j'aime. Crevait John Paul, n'était pas dans le scénar. C'était le top, je faisais guichet fermé à l'Elysée Montmartre. Cette date fut le dernier jour de ma tournée. Plein de pression et de mise en garde, mais j'ai su dépourailler, souvent mal entouré. Grave dans mon délire, y'a que les bâtards qui savaient le danger que j'encourais. Dans quoi je me suis fourré? Je représente les miens, pourtant Malcolm, tu sais bien qu'il a buté. Fier de ma carrière et de la tournure qu'elle prenait. J'adore mon train de vie, donc j'enchaînais les projets. Les voyages au bled, la baraque à construire, la paire d'eau claire sur les plages du Maghreb. Ravitailler le village. Pardon maman pour toutes ces larmes que t'as pleurées. Mon sauce, excuse-moi si j'ai dit je t'ai blessé. Bébé, je commence à comprendre ce que t'as pu endurer. C'est fou ce qu'on y croyait, même quand notre couple allait sombrer. Ma musique n'est pas celle sur laquelle tu peux danser. Faire du rap hardcore, c'est toute une manière de penser. Oui, j'ai vécu le drame, le pécule gonflant par des kilogrammes fondus. Je pyrograve mes phobies. Oui, c'est le rap business qui m'a stressé. Je respire à plein poumon depuis que j'ai quitté PC. Un big up pour tout le staff qu'a su booster. Joe, Big Mo, Masta et mes refrains. Te fatiguant, Cox, Oz à la guitare. Adil et Neu sera sûrement la future star. Normal, je sois violent, je suis né d'une césarienne. Je n'ai pas à m'inquiéter si Grégor veille sur mes arrières. Il saura gérer mes voix si la mort est trop fort. Il saura parler de moi beaucoup plus que mes sommets. Putain, ce que je m'en veux d'avoir été en Dallo. Si j'étais OP, j'aurais pu sauver Sénégalo. Kimberley. Ton base Moussim c'est Amel. Ton père n'est pas vécu, j'ai une forte carence émotionnelle. Je t'aime plus que mes yeux pour revoir le soleil. J'adorais quand ma grand-mère faisait la viande et le m'soleil. Pap, souviens-toi sur les navires de la Camship. Putain c'était trop bien, tu m'as laissé de beaux souvenirs. C'est une pensée macabre un soir de février. C'est fou tout ce que je peux dire comme mon esprit a brillé. Prod thérapie, c'est un hommage. Un message pour les gens que j'aime. Je laisse une trace. Et tout ce passage.